frontale, de la violence contre, parce que malheureusement, aujourd'hui, on va nous dire, oui, mais les musulmans, tous, lorsqu'on parle de l'anxiété, ils s'énervent et sont prêts, je ne sais pas quoi, à faire. D'ailleurs, malheureusement, dans certains pays musulmans, il y a des actes de violence, mais vous pouvez le constater que ça ne concerne pas seulement l'homosexualité. Il y a tellement de choses aujourd'hui, cette violence dans certains pays musulmans, mais religieusement parlant, personne n'a le droit de commettre un acte de violence vis-à-vis d'une personne parce que tout simplement, elle est homosexuelle. Il faut qu'elle soit respectée comme un être humain. Il faut qu'il ait sa dignité humaine. Bon, cette personne, il a commis un péché comme celui qui boit l'alcool, etc. Mais c'est un acte qu'on considère un acte commis entre l'individu et son créateur. Parce que les prescriptions, certaines prescriptions qui sont divines, sont, le musulman est appelé à les appliquer pour tout simplement respecter l'ordre de Dieu, mais sans pas dire, d'accord, et je dirais mon dernier point, c'est que le dernier point, si vous voulez, on peut le développer après, c'est question l'anxiété d'islam en France. Vous savez, je vais dire comme un ami que vous avez cherché, le conduisait comme ça avec Obro. Nous, on dit la charia des musulmans en France, c'est la loi française, tout simplement. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on est musulman, ce n'est pas parce qu'on a certains principes qu'on va chercher à les appliquer en France. Personne n'a le droit de vouloir appliquer telle ou telle prescription religieuse dans un pays qui n'est pas musulman. Je termine sur ce point et je reste à votre disposition pour la suite. Merci beaucoup. Marina. Merci beaucoup de cette invitation. Je suis dans une position un peu spéculaire, dans le sens que je vais toujours être dans la table des religieux, ils sont plutôt du côté des militants de l'homosexualité dans les églises chrétiennes. Mais je suis aussi une fidèle, une croyante. J'essayerai donc de vous présenter ce qui est quand même un peu une gageure, c'est-à-dire la position du protestantisme sur l'homosexualité, en sachant que le monde protestant est vaste, différencié et finalement très soutenu. Je vais donc essayer de systématiser, non pas de plus, en essayant d'être sinon pas exhaustif, au moins d'essayer de quadriller la situation de façon que les différents mouvements protestants au monde puissent à plus ou moins s'y retrouver. Il y a trois questions qui ont traversé le monde protestant depuis les années 70 par rapport à la présence des homosexuels dans ces églises. C'est la question de l'accueil, la question de l'accès au ministère pastoral et la question des bénédictions des couples du même sexe. En ce qui concerne l'accueil, c'est-à-dire est-ce que les personnes homosexuelles peuvent-elles, en tant que personnes et en tant qu'homosexuelles, être membres de ces églises? C'est un positionnement, les réponses des différentes églises reposent sur un certain ensemble de facteurs sociologiques, historiques, etc. Mais au risque d'être d'une banalité totale, on ne peut pas oublier, en parlant du christianisme, des questions d'ordre théologique et principalement la question du salut. Est-ce que le salut qui est donné par Jésus-Christ aux personnes qui le confessent, est-il universel ou pas? La question de l'accueil de personnes homosexuelles dans des églises, et principalement dans des églises qui sont des églises professantes, pose la question de savoir, c'est-à-dire des églises où on pratique exclusivement le baptême des adultes, de savoir si une personne homosexuelle est en tant que telle exclue de ce fait. Or, cette position étant entrant en ligne de tension frontale avec les principes du christianisme, c'est-à-dire le principe fondamental qui est celui de l'universalité de ce salut, et vous me trouverez que vraiment en cherchant beaucoup, beaucoup, beaucoup, des églises même très, très fondamentalistes qui font cette affirmation, des églises qu'on peut considérer comme des sectes et qui n'ont pas beaucoup d'importance. Mais bon, je vous on peut citer la Westboro Community, c'est une église du Minnesota qui est considérée comme une secte par le gouvernement américain de George Bush. Donc, je veux dire, c'est quand même. C'est très chelou. Et qui a 71 membres de la même famille. C'est très chelou. Donc, en général, on peut dire que les réponses sont de deux types. Un accueil sans condition particulière, c'est-à-dire on ne demande pas aux personnes homosexuelles d'avoir une aptitude, un comportement particulier pour être membre de ces églises, ou un accueil sous condition, c'est-à-dire un type de comportement assainir qui est en général la chasteté. Cette demande se conjugue souvent à une conviction sur la possibilité de changement de l'orientation sexuelle, qu'elle soit là, soit par l'interprétation, ou par la prière, ou par des méthodes un peu plus musclées comme l'exorcisme ou des pratiques de guérison. Cette position, celle d'un accueil qui demande la chasteté, est celui qui est tenu en général par les églises évangéliques traditionnelles. Et pour voir un peu le panorama français, c'est la déclaration qui a été faite par le Conseil national de l'Alliance évangélique française en 2000, Foi, Espérance et Sexualité, organisation qui est actuellement le Conseil national de l'Alliance, le Conseil national des évangéliques de France. Dans cette déclaration, on affirme « Nous reconnaissons que nous sommes tous pécheurs et que la seule espérance véritable pour des pécheurs, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels, se trouve en Jésus-Christ. » Donc, bon, on réaffirme l'universalité du salut. À l'article 11, nous croyons que les pratiques homosexuelles qui ne font pas l'objet d'un repentir sont incompatibles avec la qualité des membres d'une église. Cette position est donc celle qui est partagée par la grande majorité des églises évangéliques et par nombreuses églises professantes, donc les églises qui pratiquent le baptême exclusivement des adultes suite à une confession particulière de foi. La position qui est par contre celle d'un accueil inconditionnel ou sans condition particulière est prise en général par les courants du protestantisme historique, les luthériens, les réformés, les anglicans, les méthodiques. Ces églises ont des points communs d'un point de vue théologique. Ce sont en général des églises où on peut retrouver une approche libérale des textes bibliques. En disant libérale, on veut dire où on prend en considération les résultats des sciences humaines et sociales pour l'interprétation des textes. Un accent fort sur la primauté ou l'exclusivité de la grâce dans le salut individuel, et une conception de l'Église comme étant une communauté humaine qui n'exerce pas de médiation entre Dieu et le fidèle. C'est à partir d'un ensemble de principes théologiques propres à ces Églises si on affirme en général un accueil inconditionnel des personnes homosexuelles et non pas à partir d'un jugement qui est porté sur l'homosexualité. La position qui a été, par exemple, prise en 2004 par le Conseil permanent luthéro-réformé est en ce sens exemplaire. Ils écrivent dans le paragraphe sur l'accueil, « Dans la compréhension luthéro-réformée, l'Église ne se définit pas par la qualité de ses membres, mais par l'annonce de l'Évangile et l'administration des sacrements. De ce fait, l'accueil est inconditionnel. » Et ne nous appartient pas de juger qui fait partie du peuple de Dieu. Dans l'Église, communauté de pécheurs pardonnés, chacun est invité à occuper sa place et à participer à la vie sacramentelle, quelle que soit son origine, son sexe, son milieu ou son orientation sexuelle. Théologiquement, le statut d'enfant de Dieu est premié par rapport à toute autre détermination. Ce que je voulais souligner, c'est donc ce fait, c'est que ce qui conduit les grands courants du protestantisme historique, ce n'est pas un jugement à prendre une position qu'on peut considérer comme ouverte, ce n'est pas un jugement par rapport à l'homosexualité comme étant une pratique éthiquement bonne ou mauvaise, mais ce sont des conséquences par rapport aux principes fondamentaux qu'ils ont institués en tant qu'Église. Ce que ça veut dire aussi, que cet accueil, cette position, peut aller ensemble avec un certain mal à l'aise par rapport à la visibilité des homosexuels dans l'Église, en injonction à la discrétion et à l'espoir d'avoir ainsi clos tout le débat. C'est que du fait même d'avoir accueilli de façon inconditionnelle des homosexuels de l'Église, ça ne va pas de pair. En général, le débat n'est pas clos, et d'ailleurs, j'ai systématisé dans l'histoire on peut trouver des églises où les questions de bénédiction se posaient avant de la question de l'accueil, ou parce qu'il y avait un pasteur dont on a outé l'orientation sexuelle, par exemple. Les deux questions qui restent, donc qui reviennent donc sur la table dans ces églises, c'est donc celle de l'accès au ministère pastoral et celle de la bénédiction de l'union des couples du même sexe, du mariage des couples du même sexe, selon les théologies des différents églises. Pour ce qui concerne l'accueil au pastorat, on peut dire que les mêmes principes peuvent conduire des églises qui ont même une certaine retenue, une certaine attitude conservatrice, à considérer que l'accueil, que les personnes homosexuelles doivent avoir accès au ministère pastoral. D'autant plus qu'ils sont des églises qui affirment le sacerdoce universel des fidèles. Je vais vous présenter trois églises très proches géographiquement des églises suisses pour rester dans le courant réformé. L'église protestante de Genève, qui est l'église qui était fondée par Calvin, qui nous dit que l'orientation sexuelle n'est pas un critère pour devenir pasteur, ce qui a conduit à une première ordination d'une femme lesbienne en 2008 en connaissance de cause. Autre cas, l'église évangélique réformée du canton de Vaud, qui c'est Lausanne, c'est une église un peu plus conservatrice que celle de Genève, qui nous dit « l'orientation sexuelle n'est pas un critère négatif pour devenir pasteur ». Pour finir avec l'église réformée évangélique du canton de Neuchâtel, qui dit « pour la consécration des pasteurs, l'orientation sexuelle n'est pas un critère négatif, mais le conseil synodal admet que ce ne sera pas facile sur le terrain ». Ce qui nous rapproche de la position qui a été prise toujours en 2004 par les luthériens et réformés en France, qui dit « l'orientation sexuelle n'est pas un critère de discernement en tant que tel. Les communautés locales participent à ce discernement. Actuellement, il apparaît que l'homosexualité d'un ministre est un obstacle à son appel par une église locale. S'agissant d'autres types de ministères, la question se pose différemment. » Alors, le Conseil permanent luthéro-réformé a donc d'un côté affirmé le caractère, l'ouverture du ministère dans la théorie pour le fermer tout de suite après sous des considérations d'opportunité en se fondant sur l'idée que dans les paroisses réformées luthériennes, le pasteur devant être accepté par la communauté si on savait qu'un pasteur était homosexuel ou un pasteur, cet accueil ne serait pas possible. La solution a été celle de dire, bon, si il y a des pasteurs homosexuels, on leur donnera des ministères du genre aumônerie, bibliste, etc., mais surtout pas en paroisse. Ce qui est d'ailleurs arrivé une fois parce qu'il y avait un pasteur qui était en paroisse, qui était outé, et qui s'est retrouvé dans un ministère spécialisé. Je sais aussi que très récemment, c'est arrivé la même chose à une femme pasteur. La solution, cette fois, c'était celle de la laisser en paroisse. On attend de voir les résultats. Bon, tout ça dans une grande discrétion, c'est-à-dire une personne n'en sait rien. Venons maintenant à la troisième situation qui pose question, qui est celle de la bénédiction d'union. Alors, la question de bénédiction d'union ne peut pas, par contre, faire l'économie dans les églises, dans les communautés, dans le débat sur l'homosexualité. Alors là, ce n'est pas possible de s'en sortir avec une théologie universaliste. Il faut dire si le mariage ou l'union étant un lien social qui est reconnu en reconnaissance collective et à laquelle l'Église donne de la valeur en accompagnant, est-ce que le lien qui unit deux hommes ou deux femmes peut être reconnu par l'Église, a-t-il de la valeur vis-à-vis des institutions ecclésiales, est-il éthiquement, moralement bon? Je ne peux que dire qu'aujourd'hui, dans le monde protestant, il y a une nette hésitation sur cette question. À niveau mondial, nous comptons tout au plus quelques dizaines de dénominations, une trentaine, qui ont opté pour la célébration d'union de couples de même sexe. Ces dénominations ont des caractéristiques communes. Elles sont en général des églises ayant un ancrage théologique libéral, c'est-à-dire où elles appartiennent à des familles historiquement représentatives du libéralisme, des unitariens, des quakers, des remontrants aux Pays-Bas, ou à des églises unies, ou théologiquement pluralistes, comme c'est le cas de l'église épiscopale aux États-Unis, ou alors à des églises nationales, comme c'est le cas dans la Scandinavie luthérienne. En ce qui concerne les églises européennes de tradition réformée, une nuance du détail se présente dans l'insistance sur la nécessaire distinction entre la bénédiction d'union et le mariage. D'ailleurs, beaucoup des dénominations ouvertes ont opté pour un certain congrégationalisme et affirmé la souveraineté de l'Église locale dans la prise de décision, c'est-à-dire, après un débat, le synode national ou l'instance nationale décide d'ouvrir la possibilité de célébrer des bénédictions d'union, mais le choix final est laissé à la paroisse locale. Est-ce que la paroisse locale est d'accord ou pas? En France, pour revenir à l'opposition des églises luthériennes réformées, la position est la suivante. Il n'est pas opportun d'envisager un culte de bénédiction qui entretiendrait la confusion entre couples homosexuels et hétérosexuels. Comme chacun de nous, les homosexuels et homosexuels en couple reçoivent dans la vie de la communauté l'accompagnement pastoral, etc. Mais on s'arrête là. C'est la situation en 2004. Si je vous ai parlé de ce texte de 2004, c'est que depuis, il n'y en a pas eu d'autre. C'est un débat qui a pris 2 ans, qui consistait dans un dossier qui était envoyé dans les paroisses, donc de l'Église réformée et de l'Église luthérienne en Alsace et dans la France de l'intérieur. Après 2 ans, il y a eu cet avis. Il devait y avoir, les mêmes questions devaient être posées dans un synode national, ça n'a jamais été le cas. Or, si ça n'a pas été le cas, c'est parce que l'Église, les deux églises en question, craignent fortement l'unité de leur Église et si ces questions sont posées. On peut d'ailleurs dire que la situation des églises réformées luthériennes aujourd'hui en France est en grand mouvement. Il y a une unification qui est en cours, qui est déjà achevée en Alsace et qui devrait s'achever en 2016 dans le reste de la France. Cette unification c'est une défense, répond à la montée en puissance des églises évangéliques en France. Évidemment, en ce moment, poser des questions autour de l'homosexualité, c'est la dernière des envies, des préoccupations, des hiérarchies des deux églises. Ce qui n'empêche qu'il y a eu quelques nouveautés qui viennent principalement de la base, c'est-à-dire il y a eu dans 2 paroisses de l'Église réformée des bénédictions de couples qui ont été réalisées parce que bon, les textes d'Église sont toujours très ambigus. Donc là, ça laissait la place que si la bénédiction ne rassemble pas un mariage, bon alors peut-être on peut la faire. Et si la communauté locale était d'accord, bon alors allez, une paroisse, le foyer de l'âme, c'est une paroisse libérale de Paris, et l'autre, c'est une paroisse rurale dans le département, dans le 75. Sinon, à niveau général, il y a dans l'actuel président de l'Église réformée de France, Laurent a évoqué l'hypothèse de la mise en place d'une commission sur les bénédictions pour le 2026 et un courrier a été diffusé en octobre 2011, donc nous attendons en ce sens des nouveautés. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous quatre de vous être prêtés à cet exercice qui n'est pas toujours facile. Je vais laisser la parole à Danielle Hervieux-Léger pour quelques éléments de dernière ligne ou de préalable au débat. Pour un exercice qui devient triplement difficile, d'abord parce que, et je voudrais remercier les quatre orateurs parce que leur contribution était extrêmement riche, dense et tellement réflexive elle-même que le débat est en fait très largement, ça aurait été bien plus simple s'ils avaient chacun donné la position comme ça, brute de décoffrage, d'une religion en particulier. On voit bien que là on est devant des positions qui justement intègrent les éléments de la discussion elle-même, donc d'une certaine façon, le travail d'introduction à la discussion générale elle me paraît être déjà largement fait. La deuxième, c'est que on n'a pas beaucoup de temps. Et puis la troisième, c'est que c'est des trucs archi compliqués et que réagir à chaud sur ce qui vient d'être dit n'est pas évident. Alors je voudrais simplement faire poser six points très très rapidement. Je vais essayer d'être aussi rapide que possible. Première observation de ce qui nous a été dit. La question de l'homosexualité, clairement, ne peut pas être détachable de la problématisation religieuse de la question de la sexualité en général. C'est même probablement un piège, et méthodologiquement parlant, pour les personnes qui travaillent sur l'homosexualité, ça me paraît très important à dire. Je ne crois pas qu'on puisse véritablement avancer dans ce débat si on n'a pas d'abord ressaisi le cas de figure singulier que pose l'homosexualité dans la problématisation religieuse de la sexualité en tant que telle. Deuxième point, une fois qu'on a dit ça, il est intéressant de souligner que la question de l'homosexualité est aussi un formidable analyseur, et parce qu'il porte en un sens à l'incandescence tous les enjeux de cette problématisation religieuse. Si bien qu'en réalité, la question de l'homosexualité, elle n'intéresse pas simplement, si on se place au niveau des acteurs sociaux, elle n'intéresse pas seulement par exemple les homosexuels croyants. Elle intéresse, à mon sens, tous les croyants et au-delà des croyants, tous les gens qui essaient de comprendre les enjeux du religieux lui-même. Ça, c'est une conviction forte. Troisième point, ce qui me paraît totalement fascinant dans cette affaire, c'est la manière dont la question de l'homosexualité mobilise de la manière plus explicite, bien plus encore que la problématique générale de la sexualité, la question du rôle du biologique, comme disait le père Lemoine, c'est-à-dire ce processus par lequel les instances religieuses font des lois des sciences naturelles l'expression d'une volonté divine et transcendante. C'est ce processus de transcendantalisation qui d'ailleurs, alors dans l'Église catholique romaine, c'est facile de montrer, y compris le moment historique où ça se joue, c'est-à-dire ça se joue au moment où l'Église perd tout espoir de reconquérir politiquement ses droits sur la société issue de la Révolution française, en gros, pour faire bref, et où l'enjeu de la vie privée devient absolument central, alors qu'il n'a pas toujours été. Dans la morale sexuelle, la morale conjugale, etc., n'a pas toujours été un enjeu. Ça devient de façon obsessionnelle au moment où l'Église, ayant choisi ce terrain de repli de sa capacité d'emprise, va en quelque sorte, dans d'ailleurs une volonté de se maintenir à niveau par rapport à l'avancée des sciences, opérer une sorte de superposition entre l'ordre naturel et les lois des sciences de la nature, ce qui va aboutir à des choses absolument surprenantes dans la biologisation et dans le caractère ultra-matérialiste, par exemple, de la problématique catholique de la contraception. Ça, je pourrais en parler des heures, parce que c'est un de mes dadas, mais ce que je veux dire là, c'est que cet enjeu ce roc du biologique, cette façon dont en réalité on va transcendantaliser les lois biologiques, va jouer d'une façon extrêmement puissante dans le cas de l'homosexualité. Ceci n'est pas seulement vrai, je répète, du christianisme, où cette thématique est très très forte, mais également du judaïsme. Quand le rabbin Guggenheim évoque un désir, solliciter un désir qui n'est pas inscrit dans l'humain, il dit rien d'autre. Il dit qu'il y a quelque part un ordre naturel des désirs humains, et que, voilà, l'homosexualité rentre pas là-dedans. Bon. Donc, il y a quelque chose qui est fondamental. Alors, repérer cette transcendantalisation du biologique nous renvoie à quoi ? Nous renvoie fondamentalement, alors là, je mets la chose en discussion, y compris auprès de nos orateurs, au problème de la difficulté pour les autorités religieuses à intégrer la dimension de l'autonomie du sujet. Au fond, de l'autonomie du sujet. Le problème. Le libre, la question de l'autonomie, c'est avec d'ailleurs quelque chose qui est extraordinairement contradictoire et ce qui probablement explique cette radicalisation de la transcendantalisation du biologique, qui est que dans le même temps, les mêmes religions, et là c'est vrai aussi bien de l'islam, du judaïsme ou du christianisme, demandent aux croyants de faire acte de liberté dans son rapport à Dieu, d'exprimer la qualité de son rapport à Dieu, dans l'autonomie de son acte. Alors ça peut être l'acte de foi pour les religions confessantes, ça peut être la fidélité à l'observation des préceptes dans des religions pour lesquelles l'acte rituel est en quelque sorte le lieu premier d'expression de l'adhésion religieuse, mais dans tous les cas, il y a une tension extraordinairement forte qui est requise entre, au fond, la pureté du cœur, qui est celle du sujet croyant autonome qui se rapporte à son Dieu, et le fait que par ailleurs on l'enferme dans une problématique de la nature qui, elle, fait exploser cette autonomie elle-même. Et je répète, là, il n'y a pas de différence entre les... Il peut y avoir des ajustements, des manières de gérer de façon variable la contradiction, mais la contradiction, elle est présente. Et alors, quelle est la clé de cette terreur de l'autonomie du sujet? Est-ce que l'autonomie du sujet affecterait d'une manière ou d'une autre la reconnaissance de la majesté divine? Je pense que ce n'est pas du tout ça le problème. Le problème, il est d'abord et avant tout celui de la préservation de l'autorité religieuse comme telle. L'enjeu est celui de la défense du système de l'autorité religieuse. Je pense que et cette défense, elle n'est pas seulement la question, par exemple, des risques que ferait tenir pour l'unité de l'institution la polarisation extrême qui se joue autour de ces questions sensibles. Il s'agit de bien plus que ça. Il s'agit fondamentalement de préserver la capacité spécifique de l'autorité religieuse de dire la norme dans une forme absolue. Au fond, c'est la défense de la capacité d'absoluité du discours de l'autorité. Même si on fait jouer les interprétations, même si on fait jouer les aménagements, même si on fait jouer le souci du réalisme pastoral, je sais infiniment gré à nos quatre orateurs de nous avoir fait échapper au discours compassionnel sur la norme est stricte certes, mais si vous saviez comme on est sympa par ailleurs. Bon, les choses se passent pas du tout. Enfin, là, on est dans le noyage de poisson par excellence. Ce que vous avez fait précisément, c'est de mettre le doigt vous-même sur les contradictions. Et je pense que vous l'avez fait mieux. Alors, il faut quand même reconnaître de ce point de vue-là que la vraie césure, elle n'est pas entre judaïsme, christianisme, islam, mais par contre, elle est très clairement avec le protestantisme. Même si une partie des choses que je viens de dire là joue aussi dans le protestantisme, dans certains courants du protestantisme. Mais le problème du protestantisme, c'est que l'ecclésiologie protestante, en quelque sorte, va, au fond, offrir de fait, je ne dis pas que c'est parce qu'il y aurait une sorte de miracle protestant qui ferait que l'autonomie... Mais il n'empêche que l'autodétermination des communautés fait jusqu'à un certain point partie du dispositif protestant. Ça ne veut pas dire que ça les rendra plus libérales pour autant. Il ne faut pas se tromper. Mais ça veut dire que la logique de pouvoir, c'est-à-dire la logique proprement politique de l'argumentaire sur le biologique, n'est pas le même. Et on voit bien d'ailleurs que les problèmes qui sont posés, est-ce qu'on peut avoir des pasteurs homosexuels et où est-ce qu'on les met? Est-ce qu'on les met dans les paroisses? C'est vrai, c'est autre chose. Bon, alors voilà, ce qui m'a paru très très intéressant, c'est que dans tous les cas, vous avez exposé, au fond, les fragilités du dispositif en question, ce dispositif à la fois politique et théologique, vous avez marqué vous-même les fragilités, avec toutes les... Je pense, par exemple, à ce que vous avez dit sur ces ouvertures. Alors, l'ouverture que je trouve absolument formidable, de la désensibilisation à l'interdit, ça, je trouve ça prodigieux. C'est-à-dire, en fait, tout simplement, une prise de conscience et une prise d'acte du fait que, ben voilà, il y a des choses qui sont simplement sorties du croyable disponible ou du plausible, pour parler comme Burger, de nos sociétés. Ça, très bien. Je dirais que le réalisme pragmatique des institutions chrétiennes, par exemple, marche exactement dans le même sens. Là où ça devient un tout petit peu plus compliqué, je le signale au passage, c'est quand vous évoquez l'ouverture que pourrait être le fait de faire basculer la discussion sur l'acte homosexuel du côté d'un acte qu'on est poussé de la pulsion, de l'acte qu'on est poussé à commettre. Je pense que c'est à la fois, effectivement, vous ouvrez une porte, mais vous en refermez une aussitôt. Parce que du même coup, vous déqualifiez l'autonomie du sujet au moment même où vous postulez la reconnaissance de l'acte. Mais en tout état de cause, ce qui me paraît clair, c'est que pour l'instant, les institutions, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont s'accrocher frénétiquement, tout autant qu'elles sont, au problème de la qualification de l'acte. Parce que le problème de la qualification de l'acte, c'est ce qui permet précisément de faire l'économie de la confrontation avec la liberté du sujet. Bon, je m'arrête là. Bon, c'est toi qui animes, hein, parce que moi, je ne peux pas tout faire. Oui. Et alors, je vous présente quand même, je suis Catherine Breton, c'est moi qui ai ouvert le centre de dépistage de la rue Boisière en 88. Je vois des homosexuels toutes les semaines, en particulier des homosexuels musulmans qui sont mariés et qui sont à la sexualité. Et j'ai été pédiatre, psychiatre, psychanalyste. Je trouve qu'il y a quelque chose qui n'a pas été abordé, c'est que pour moi, la religion, c'est l'inconscient masculin. Ça se voit dans les textes, d'ailleurs, c'est toujours dit au masculin. Il suffit d'ouvrir le Coran et de mettre le masculin au féminin, le féminin au masculin. C'est ce que j'ai fait avec le recteur de la mosquée. Vous verrez qu'on s'aperçoit que c'est un homme qui parle à des hommes. Alors, moi qui suis psychanalyste, quand même, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Et je trouve, j'aimerais remercier Frédéric Lenoir quand il a dit. Pourquoi fait-elle si peur la femme dans la religion? Je pense que la peur de la femme et la peur des homosexuels, c'est pareil. Et qu'est-ce qui se passe pour avoir peur? C'est que quand on est en peur, ce qui spécifie l'humain, c'est le rapport au manque. Et c'est vrai que la religion, elle dit qu'on est né de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose sur la différence des sexes et la peur qui n'est pas assumée, et donc représentée n'est pas assumée, mais qui permet quelque chose. J'aime beaucoup ce que fait chrétien, etc. Et après, il y a la mort qui n'existe pas, puisqu'il y a quelque chose après la mort, donc il y a quelque chose qui manque aussi, qui est représenté, mais pas symbolisé au sens lacanien. Or, qu'est-ce que c'est que, pourquoi un représentant du manque? Quand on est, on perd une partie de soi. La plupart des gens pensent que le placenta appartient à la mère, donc c'est l'enfant qui fabrique le placenta. Donc déjà, dans la naissance, on a une perte. Après, on a une perte quand on veut parler, si je demande un café, je ne peux pas demander un tartampion, il faut que je me soumette au rapport à l'autre, etc. Puis à 4-5 ans, alors je vous dis, moi, quand j'étais pédiatre, comment les petits garçons entraient dans mon bureau. Ah, docteur, c'est horrible, on peut l'enlever, c'est moi qui l'ai. D'accord? On représente les femmes par notre anatomie sexuelle au moment où on découvre la différence de sexe, la castration imaginaire masculine. Et donc, il y en a qui vont rester à ce stade et qui vont toujours avoir besoin d'infériorité des femmes parce qu'elles représentent leur castration imaginaire qui n'ont pas symbolique. Et après, on a certains hommes ont besoin, quand on s'aperçoit qu'on est né de nos parents, parfois on n'aime pas parce qu'on n'était pas là au moment de notre conception. Donc on dit que c'est Dieu qui nous a créés. Vous posez une autre question. Je vois quand on rabaisse les femmes, il y a une augmentation de l'homosexualité masculine parce que les petits garçons ne peuvent pas s'identifier à leur père, s'ils méprisent leur mère alors que leur mère les a beaucoup valorisés. Et je trouve qu'il y a une question fondamentale. Alors, c'est une pathologie sociale, l'homosexualité. On n'avait pas encore fait celle-là. La question que je pose, c'est, je crois que personne n'a dit là que les religions règle le manque en le représentant, mais pas en symbolisant. Donc forcément, c'est l'immune des homosexuels qui joue avec les sexuels et qui joue avec la castration. Voilà. Alors j'aurais deux questions. D'abord, merci aux quatre intervenants. Il y a des choses qui me semblent communes dans vos interventions, c'est notamment la différence entre la théorie et la pratique. Je ne suis pas du tout religieux, mais donc j'écoute. Vous dites tous à peu près la même chose, à savoir que la théorie est écrite et ensuite l'interprétation des écrites s'accommode de la pratique. Vous parlez de l'ordre public, vous parlez de certaines paroisses qui sont plus ouvertes, de rabbin, M. Azoulay également. Donc j'ai une question là-dessus. Comment vous gérez la pratique au quotidien? Alors pour ceux qui ont une communauté, c'est peut-être plus facile de répondre à la question. Et comment vous gérez la pratique au quotidien entre les textes et l'acceptation du non-religieux ou du laïque? Et je pense que la question peut être posée aux quatre participants. Et j'ai une question plus particulièrement pour vous, M. Oudou, qui concerne la manière dont l'homosexualité est vue dans les différents courants de l'islam. On l'a vu dans les différents courants du judaïsme, du protestantisme. Comment ça se passe entre, par exemple, les soufistes et les salafistes, pour prendre peut-être le extrême, je ne sais pas. On va prendre plusieurs questions avant de donner la parole aux intervenants. Oui. Parler au rabbin Azoulay parce que il représente toute l'histoire, tandis que étant dans l'Afrique, je sais très bien que la cousine de mon gendre a été mariée d'une façon religieuse dans une synagogue en Californie, ce qui veut dire qu'il y a un genre de protestantisme juif qui existe. Qui n'est pas orthodoxe. Moi, j'étais élevé comme orthodoxe, mais tout mon entourage l'a dit. Non, moi, j'avais juste une remarque sur finalement la différence entre ce qui se passe dans le monde homosexuel aujourd'hui avec la question de la sortie du placard et l'injonction de toutes les religions de dire au contraire on est dans la faute, on est dans la prolongation, on a l'impression qu'il n'y a pas de possibilité de concevoir une homosexualité épanouie justement et qu'on reste, et il me semble que la question de la culpabilité elle est très présente, mais surtout, alors ne pas le dire, ne pas en parler, rester dans la discussion et On est dans le domaine de la faute. Moi, j'avais une question qui m'est plutôt venue par rapport à votre intervention, qui est quand vous parliez de la définition dans certains textes prophétiques de l'homosexuel par rapport à son apparence féminine, ou en tout cas, voilà, la question qui m'est venue, c'est comment, dans la façon dont les textes sont interrogés aujourd'hui, on interroge ce qu'était ou ce qu'est aujourd'hui l'homosexualité, ou en particulier dans l'historicisation de la notion de genre, et là du coup je reviens à ces études de genre pour lesquelles vous avez plus ou moins dit qu'elles n'existaient pas trop, il manquait de termes, etc. Mais maintenant on a un vocabulaire qui existe, et est-ce que les personnes qui interrogent ces sources-là utilisent ces outils contemporains pour revisiter ces textes et se dire, voilà, c'était à une époque, il y avait une définition de l'homme et de la femme, et puis maintenant, tout ça se redéfinit. Est-ce qu'on peut replacer dans un contexte historique ces notions-là dans l'étude de ces textes? Une autre question? Oui. Également, juste par rapport à ce que vous disiez sur le fait d'être discret, pour voir que l'ensemble des religions ont une responsabilité assez grande sur le nombre de morts. Au SIDA. Normalement, je suis association AIDS, donc c'est essentiellement en fait n'importe. Et c'est-à-dire que c'est vrai que, et c'est pas vous de dire ça, parce que vous nous dépassez, vous racontez avec beaucoup de passion ce que vous dites, mais on rencontre beaucoup de gens qui sont à l'origine effectivement de soit il ne faut pas utiliser le pornographie, soit il faut passer des pétrés, soit. Se cacher, qui entraîne une contamination, une surcontamination considérable dans des pays où la plupart de vos religions, que ce soit des protestants ou les catholiques ou les musulmans, on est juste en Afrique, comme je dis, il n'y en a pas beaucoup. Il faut qu'effectivement, on a nous un travail considérable pour ramener la compétence et avec des positions, par exemple, les catholiques ou pas, par rapport aux conservatifs, même si c'est des dogmes, je comprends bien que c'est des dogmes. C'est pas un dogme, non. C'est vraiment tout à fait quelque chose qui est figé dans quelque chose, dans cette granite de marbre pontifical, qui a une implication quotidienne sur la santé et la vie de centaines de milliers de personnes. C'est vrai que comment est-ce qu'on peut, nous, militants, sur le terrain, changer ça, sachant directement on va nous raconter des histoires que depuis des siècles on raconte à des gens par rapport à la religion. Moi j'avais juste une question pour Madame Bergaud-Bachler. J'étais d'accord avec tout ce que vous avez dit. Oui. Il y a juste un point, je ne sais pas si on aura le temps, sur lequel j'aurais voulu que vous reveniez, c'était sur la terreur de l'autonomie. La défense pas la terreur. C'est compliqué. La défense du système d'autorité religieuse. En fait, j'aimerais savoir, enfin peut-être aller plus loin dans ce que cette peur de l'autorité religieuse, parce que c'est pas, si je prends les exemples, les raisons qui sont données, concernant l'interdit de l'homosexualité, je ne vois pas très bien en quoi il y a ici. En quoi c'est. Oui, c'est non, si on dit problème, par exemple. Non, mais le problème est plus général. D'abord, c'est un peu l'effet de tribune de dire la terreur de l'autonomie, parce que les religions, pour leur part, chacune pour leur part d'ailleurs, ont aussi contribué à faire émerger l'idée d'autonomie. Donc il faut être assez nuancé dans ce genre d'expression. Mais ce que je souligne par là, c'est au fond la difficulté pour des instances, au fond, qui administrent la loi qui descend du ciel, gérer l'idée que la norme ou les bonnes pratiques peuvent être le fruit d'une part d'un choix en conscience d'un individu qui se détermine avec sa propre capacité de raison, et d'autre part, de sujets qui débattent ensemble pour produire la norme. Bon, ce qui est le grand problème de l'autonomie sur le terrain du politique, c'est-à-dire la difficulté qui a fait le grand affrontement de la modernité à la religion, se retrouve aussi sur le terrain de ses conduites, dans la mesure où, au fond, si l'individu peut, au titre de sa capacité de jugement personnel et au regard de son histoire à lui, définir dans la lecture de ses références scripturaires, de tout ce que vous voulez, définir au fond la pratique juste, l'autorité se trouve dans une singulière position. Mais forcément, puisqu'il y a une hétéronomie. Eh oui, c'est le problème. C'est très exactement ça le problème. C'est très exactement ça le débat. C'est qu'il y a un moment où l'hétéronomie spécifique, structurelle du religieux entre en contradiction avec l'exigence d'autonomie du sujet et du sujet moderne. Voilà. Ce qu'on peut dire pour caricaturer, c'est l'homosexuel pierre de l'être, c'est le pire, c'est la pire provocation à cette autorité. Il fait pas de doute que l'homosexuel heureux, c'est un vrai problème pour les institutions religieuses. À la limite, l'homosexuel souffrant et douloureux, c'est encore gérable. Mais l'homosexuel heureux, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est le seul moyen de réconcilier tout le monde. Est-ce qu'on peut prendre 5 minutes pour que vous puissiez, les uns et les autres, répondre aux questions qui vous ont été... Oui, comme rapidement, la question des différents courants, enfin, moi je ne suis pas spécialiste ni des différents courants. Et disons que j'ai peut-être abordé plus sur la position sunnite qui représente la majorité musulmane. Ceci dit, je sais, enfin, parce que j'essaie quand même de me documenter pour aujourd'hui, j'ai découvert que certains courants chiites tolèrent, voire, voilà. Et voilà. Mais je ne peux pas dire plus parce que je n'ai pas eu le temps de voir quelques on va dire, quelques mouvements soufis, mais pas traditionnels, plutôt qu'on peut qualifier de sectaires. Voilà, c'est un gourou avec un petit groupe, mais je ne peux pas dire plus, vu que voilà, ça demande beaucoup de temps, ça demande peut-être une étude plus approfondie. Maintenant, entre soufis et salafistes, on peut imaginer le schéma. Donc, salafistes, de toute façon, rien n'est permis. Donc, non, je pense qu'en gros, j'ai exprimé la position sunnite. Alors, la question du silence, je crois que ça mérite quand même une explication. Lorsque certains théologiens se basent sur certains textes qui demandent aux croyants, parce que en islam, la question de la religiosité, elle est individuelle, elle est personnelle. C'est un rapport intime entre l'individu et son créateur. Et donc, lorsque les textes font appel au silence, pas pour se cacher, non, mais pour dire, ça ne concerne pas les autres. Parce que généralement, lorsque certains, parce que moi j'étais confronté à cette situation, on fait appel à moi pour certaines situations compliquées, l'homosexualité, le mariage hors musulman, relations intimes avant mariage, donc des fois, chose que j'aimerais bien m'en passer, parce qu'effectivement, on n'est pas assez armé et assez fort pour les affronter, tout simplement. C'est pas il y a une recherche de camouflage, non. Mais parce que, en tout cas, moi, je parle par rapport à moi, par rapport au monde musulman, parce que, pour préparer ce que j'ai dit aujourd'hui, j'ai dû quand même lire et j'ai dû appeler certains spécialistes, certaines parties de la théologie musulmane, pour justement les pousser. Parce que moi, ma position en tant que musulman vivant en France, français vivant en France, n'est pas celui de celui qui est en Arabie Saoudite ni au Maroc. Je pousse un petit peu le débat. Et donc le silence, ce n'est pas pour dire à la personne, tais-toi, tu ne dois pas parler. Non, il peut parler parce qu'il est libre. Mais le problème, c'est que tout simplement, ça ne concerne pas les autres. C'est parce que ce que j'ai découvert moi dans mes rencontres, c'est que la plupart, lorsqu'ils parlent, parce que c'est eux qui se sentent coupables, si vous voulez. En tout cas, moi, je parle des musulmans que j'ai côtoyés. Je ne parle pas de l'ensemble, loin de là. Mais la plupart de ceux qui viennent me parler, ou qui viennent parler généralement responsables religieux, c'est parce qu'eux, ils vivent la problématique, ils ne se sentent pas bien. Parce qu'ils pensent qu'ils ont fait... Non, pas par rapport à l'entourage. Non, mais surtout par rapport à leur rapport avec de religion. Et moi, ce que je leur dis, religieusement parlant, vous pouvez vivre votre religiosité tranquillement. Si vous, c'est une chose qu'il faut régler, on va dire, par rapport au rapport avec religieux, pas par rapport à la société. La société, finalement, soit aujourd'hui, je parle pour nous musulmans en France, la vie en société musulmane, elle n'est pas la même, parce qu'on peut... Voilà, être loin. Par rapport au texte, moi, les textes, si vous voulez, comment ces textes me parlent? Parce que simplement, lorsque je lis qu'à l'époque des prophètes, il y avait des personnes qui avaient une sexualité différente, etc., pour moi, ça me dit tout simplement, ces textes, on va dire, relativisent ce regard théologique et doctrinal, si vous voulez, relatif. C'est-à-dire c'est surtout ça qui est important. C'est qu'il y a possibilité de vivre dans cette situation sans que ça pose problème ni pour le musulman qui a cette orientation ou les autres tout simplement. Par contre, je suis désolé, moi, en France, je suis animateur d'une émission de radio. D'ailleurs, c'est ça qui a causé la présence ici avec vous. J'appuie pour un micro. Donc, il m'a piégé, mais c'est pas grave. C'est avec plaisir. Et j'ai fait une émission sur le sida. Bon, je ne fais pas une émission religieuse, qui est prête et suite société, exprès, justement pour pousser la communauté musulmane à aborder certains sujets qui s'abordent que dans le silence ou qui sont complètement oubliés. Et bien sûr, j'ai dû me préparer mon émission. Et le problème du sida en Afrique, ce n'est pas le silence de la religion, des religieux. C'est un problème de pauvreté, d'ignorance, et c'est surtout un argent des organisations qui est utilisé pour autre chose. Moi. Mais ce n'est pas le silence, ce n'est pas parce qu'on dit aux gens, ne parlez pas de votre homosexualité, que c'est ça qui fait qu'il y a plus de personnes touchées par le sida. En tout cas, c'est ce que j'ai pu... D'accord. Donc, ça, sur les détails, en tout cas, peut-être, dernière chose, peut-être pour répondre à votre question sur les religions, moi, je consonne assez bien à ce que vous avez dit sur la responsabilité des religions, etc. Mais je crois que ce que j'ai dit sur les différentes dans l'Église catholique sur les différents acteurs, je pense que vous pouvez quand même vous en sortir à Aide ou ailleurs, en travaillant avec certains acteurs chrétiens de terrain, voilà. Donc là, il y a de vastes possibilités de collaboration, d'aide entre gens intelligents et raisonnables. Mais bon. Oui, oui, juste un mot, c'est-à-dire qu'il y a un dernier point que j'aimerais souligner, en lien avec le fait que tout au début, on a presque tous l'ont dit, et tu l'avais dit également, Martine, le problème aujourd'hui n'est plus seulement de faire face à un phénomène cryptique, considéré comme maintenu à la marge, etc., c'est que maintenant, l'homosexualité est un fait social. C'est un fait social massif. C'est un fait incontournable. Et le problème, du même coup, n'est plus seulement celui de savoir ce que les religions font à l'homosexualité ou aux homosexuels, mais de se demander ce que l'homosexualité fait aux religions. C'est-à-dire que le vrai problème aujourd'hui, il est, jusqu'à un certain point, il est retourné. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, pour moi, alors, il est vrai que je suis sociologue des religions et pas spécialiste des questions, de sciences sociales, de la sexualité, etc. Mais ce qui me frappe, c'est ce retournement. C'est ce retournement. Surtout dans des religions comme la mienne, par exemple, l'identité sexuelle, c'est quand même très fortement appuyée. Exactement. Ou bien quand on voit par exemple comment la mobilisation à propos de l'homosexualité, de l'argumentaire, ce qui est une autre lecture du rôle biologique, ce qui rend intolérable l'homosexualité, c'est qu'elle est, alors là, en mobilisant ce qu'il faut de psychanalystes pieux, je ne citerai personne, pour dire, c'est l'attrait du même, enfin c'est l'attirance du même. Bon, ce qui est totalement contradictoire, notamment pour le monde chrétien, mais probablement aussi pour le judaïsme, avec la reconnaissance de la singularité absolue de tout individu aux yeux de Dieu. Donc il y a là quelque chose qui... C'est-à-dire que l'argumentaire défensif est plus meurtrier que le fait de ne pas tenter de maintenir la ligne, si je veux dire la ligne. Si je peux me permettre, ce que vous dites confirme tout à fait les craintes de l'Église catholique. Ça prouve bien qu'elle a raison dans son système de ne pas rentrer dans le débat. C'est pour ça que le système va avoir quelques problèmes. Je vous remercie vraiment pour votre participation. À très bientôt, Bernard.